Avant de commencer, je voudrais préciser une chose. Je ne suis pas un économiste qui a suivi une trajectoire ordinaire. Je ne viens pas de la fac d'éco, je viens de Sciences Po. Et à l'Institut d'études politiques de Paris, comme cette institution s'appelle, j'ai été très intéressé au départ par le droit constitutionnel. Et ce n'est qu'à partir de la deuxième année que j'ai basculé vers l'économie. Évidemment, cela a laissé des traces, si vous voulez, dans mon parcours, dans ma manière de voir les choses. On était en 1971-1972. J'ai eu d'excellents professeurs qui étaient des gens d'une très grande culture juridique. Je parle là de mes professeurs en droit constitutionnel et en droit public. Hein. Je n'en dirai peut-être pas autant de mes professeurs d'économie. Et c'est donc à travers eux que j'ai pris un goût très affirmé, justement, pour ce droit constitutionnel, avec la lecture de toute une série d'auteurs. Ça va évidemment de Jean Bodin à Carl Schmitt, en passant par les grands légistes de la fin du 19e et du début du 20e siècle en France. Bon, donc voilà, ne vous étonnez pas que quelqu'un qui a pris à basculer complètement dans l'économie fasse de constantes références, si vous voulez, à ces notions de droit constitutionnel. Et en particulier, je me rappelle une conférence en la mémoire de Capitan, qui était mort en 1970. On a eu une conférence en sa mémoire en décembre 1971, et c'est là où on nous a expliqué et où j'ai compris toute l'importance que Carl Schmitt pouvait avoir, y compris pour quelqu'un qui avait été un résistant tout à fait authentique et tout à fait légitime. Et c'est important justement quand on va penser ces questions, parce que d'une certaine manière, je pense qu'il faut penser avec Carl Schmitt pour pouvoir penser contre Carl Schmitt. Et ça, c'est un point. Alors, je reviens donc le rôle de la monnaie à la norme. La première question, c'est évidemment la constitution de l'euro. Alors, d'abord, sa constitution institutionnelle, d'où vient-il? Et pourquoi a-t-il été très vite associé à une norme? Autrement dit, je reprends là une idée qui a été développée par Diego Fusaro, qui est un jeune philosophe italien, et qui explique que pour lui, l'euro, alors évidemment les philosophes, n'est pas une monnaie, c'est un mode de gouvernance. Moi je dirais que l'euro est une monnaie devenue un mode de gouvernance. Et c'est bien justement cela qu'il faut commencer par explorer. Le premier point, c'est de regarder les origines de l'euro. Alors bien sûr, il y a eu de très nombreux projets de monnaie européenne, voire de monnaie internationale, dès le début du XXe siècle. Mais si on regarde plus précisément la question de l'euro, on voit que ses origines datent en réalité de la fin des années 60, des années 70 et du tout début des années 80. C'est là où, ce sont dans les débats de cette époque-là, que émerge l'idée d'une monnaie européenne. Alors, pourquoi ? Il faut d'abord se remettre dans le contexte de la fin des années 60 et du début des années 70. Vous savez, les accords de la Jamaïque, les accords du Plaza, donc 1971, 1973, le flottement généralisé des monnaies, qui survient comme un choc pour tous les responsables de politique économique à l'époque. Nous avions d'ailleurs à l'IEBP régulièrement le directeur du Trésor de l'époque qui venait nous faire cours et qui souvent était obligé d'annuler son cours parce qu'il avait une réunion internationale, bon, et qui revenait, faisait une séance supplémentaire, rattrapait sa séance et passait la moitié de sa séance à nous expliquer la négociation dans laquelle il avait été. Donc on était à ce moment-là, en plein dans un monde extrêmement turbulent, mais d'un point de vue conceptuel, hein, un monde qui choquait beaucoup les personnes qui avaient des responsabilités, parce qu'elles avaient été habituées, en fait, à un régime de change fixe depuis 1945. Alors, le régime de change fixe ne veut pas dire que la parité du franc était constante. Il y a eu des dévaluations, mais il faut bien comprendre que la dévaluation a tout à fait un autre statut qu'une dépréciation de marché. C'est une décision politique, bien sûr contrainte par toute une série de facteurs économiques, mais c'est une décision politique qui est très souvent négociée de faire baisser ou de faire monter, cas du Deutsche Mark, qui a été réévalué à plusieurs reprises jusqu'en 1973, de faire baisser la parité de la monnaie pour retrouver une forme d'équilibre. Et ça, c'est un point extrêmement important. Or, tout ce cadre intellectuel dans lequel mes professeurs avaient vécu jusque-là, explose. Et on est confronté à ce flottement généralisé des monnaies. C'est d'autant plus cognitivement difficile pour eux qu'un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais un certain nombre, sont en réalité des élèves de Jacques Rueff. Et même s'ils n'ont pas été directement ses élèves, il y a cette idée que l'étalon or reste un horizon vers lequel il faut tendre. Alors, c'est important. Rappelons-nous d'ailleurs les débats qui n'avaient que 5-6 ans d'ancienneté à cette époque-là, quand le général de Gaulle a voulu réimposer l'étalon or au niveau international, quand il s'est heurté aux États-Unis de manière assez brutale, vous avez en particulier la conférence de Rio de 1966, où d'ailleurs les États-Unis, chose intéressante, sont à la manœuvre pour la création des droits de tirage spéciaux au Fonds monétaire international, droits de tirage spéciaux qu'ils envisagent eux comme une forme monétaire, alors que la France, elle, je dirais, a tiré vers le bas les droits de tirage spéciaux pour en faire en réalité simplement une facilité de crédit supplémentaire. Et on a dit que le résultat de la conférence de Rio, ça avait été la création du zèbre monétaire, le DPS, qui était soit une monnaie si on ne voyait que ses rayures, soit une facilité de crédit si on ne regardait que la partie blanche de l'animal. Bon. Et il faut vraiment se rappeler de ce contexte pour comprendre comment va se mettre en place le débat sur l'euro. Enfin, sur la monnaie européenne, qui ne s'appelle pas évidemment encore l'euro. Troisième point, c'est quand même vraiment une idée d'économiste, à l'époque. C'est essentiellement des économistes, et qui plus est, des économistes financiers. C'est des gens qui travaillent à la monnaie. C'est la direction du Trésor, c'est la direction de la Banque de France. Même chose dans les autres pays. C'est à ce niveau-là que l'on discute, évidemment, de cette question. Cette idée de monnaie européenne va se développer à partir de 1973 en réaction au flottement des monnaies. D'une certaine manière, on va aboutir à une espèce de point d'obstacle, hein, ni l'obstacle de la part des banquiers centraux, lors d'une réunion qui se tient à Florence, à l'Institut européen de Florence, dans les années 80, où le président de la CE de l'époque, qui est Gordon Brown, fait un discours, clairement, une monnaie européenne serait intéressante, parce que le gros problème, c'est comment se dégager du dollar. Il faut rappeler quand même qu'à l'époque, les fluctuations du dollar peuvent être impressionnantes. Je vais te donner un exemple. En 1984, avec un collègue, on obtient un contrat du ministère de la Recherche pour faire une étude sur les banques de données transfrontières. En réalité, ce qui va être l'initiateur d'Internet. À cette époque-là, le dollar vaut 5,50 francs. Quand nous partons en mission aux États-Unis au début de l'année 1985, en janvier, il est à 10 francs. C'est ça, un petit peu, j'irai, l'ampleur des fluctuations que l'on peut avoir en quelques mois. Et donc Gordon Brown dit, oui, bien sûr, une monnaie européenne serait extrêmement intéressante, mais cette monnaie européenne impliquerait la constitution d'un budget européen, chose dont aucun gouvernement ne veut. Et s'il n'y a pas de budget européen, alors il donne d'ailleurs des ordres de mesure, hein. Il dit qu'il faudrait que ce budget européen soit alimenté par à peu près le tiers des recettes fiscales des États. Il disait, on sait que le minimum pour qu'un budget fédéral fonctionne, c'est que le ratio soit un tiers au niveau fédéral et deux tiers au niveau fédéré. Et encore, dit-il, c'est un ratio très bas. L'exemple des États-Unis à partir de la grande crise de 1929, de la RFA, de l'Inde, c'est plutôt 50-50. Donc, il dit, ouais, comme il est évident qu'aucun gouvernement n'acceptera, bah, c'est une très belle idée, mais qu'on peut oublier. Elle est inapplicable. Et donc ça, c'est la position au début des années 80. Ce qui est intéressant, c'est comment, par quel détour, a-t-on surmonté l'obstacle? Et là encore, il faut se mettre dans le contexte de la fin des années 80, en voyant essentiellement trois problèmes. Alors, premier problème, évidemment, c'est la chute du mur. La chute du mur qui produit, en particulier en France, une panique dans les élites politiques. Panique de François Mitterrand, qui n'a pas vu venir le problème. Panique de Roland Dumas. Et c'est une panique parce que tous ces gens craignent l'Allemagne, en réalité. François Mitterrand peut tenir la main de Gaulle hors du 11 novembre à Verdun. En réalité, en privé, il a des mots extrêmement durs sur l'Allemagne. Et c'est la même chose pour Roland Dumas. Je suis petite main au ministère des Affaires étrangères. Je travaille à titre gracieux comme, je dirais, écrivain de notes à destination du ministre. Parce que c'est évidemment tout le problème de l'URSS, hein, de la décomposition de l'Union soviétique, où là aussi, Roland Dumas s'est rendu compte que la diplomatie française était très nue par rapport à ce problème. Le deuxième point, c'est, qui vient évidemment s'ajouter à cette peur de l'Allemagne, c'est la volonté de discipliner la politique française. En 1989, la grande angoisse des gouvernants français, c'est qu'une élection donne une majorité de vraie gauche. C'est-à-dire que se crée un parti qui remplace le Parti communiste, qui arrive à gagner les élections et qui impose une politique économique dont évidemment on ne veut pas. Et à partir de là, commence à se développer à Bercy l'idée que l'outil monétaire, avec la contrainte extérieure, peut être une arme d'une très grande puissance pour discipliner les hommes politiques français. Les hommes et les femmes politiques français. Ça avait d'ailleurs été le rôle de la contrainte extérieure. Car il faut savoir que c'est le gouvernement français qui a délibérément ouvert l'économie française au départ, dans les dernières années de Giscard d'Estaing, grosso modo sur 1981, puis ça s'est continué sous François Mitterrand. Et l'idée, c'était que la contrainte extérieure allait amener à une forme de discipline ou d'autodiscipline des acteurs sociaux et des acteurs politiques. Sauf que, déjà à cette époque, il y a toute une série de gens qui disent on ne peut pas faire de politique économique cohérente sans une certaine forme de protectionnisme. Et donc là, les dirigeants se rendent compte que il faut renforcer cette contrainte, et ce qui apparaît évidemment comme le meilleur instrument, c'est l'instrument monétaire. Donc on peut dire que l'euro, du côté français, a deux origines. Une origine géopolitique, qui est indiscutable, et une origine franco-française, mais là, clairement, non démocratique, puisque cette discipline que l'on veut imposer aux acteurs sociaux et politiques, évidemment, elle doit remplacer le mécanisme électoral. Ceci dit, l'euro a une troisième raison, c'est le projet de réunification de l'Allemagne et ce projet allemand qui vise à sortir la politique économique de la sphère du politique. Alors c'est une très vieille histoire qui en fait remonte même aux années 1920. Et Carl Schmitt, qui est le premier, va, que ce soit dans Théologie politique, donc un livre qu'il écrit en 1922, ou dans Légitimité, l'égalité-légitimité, livre qui est publié en allemand en 1932, traduit en français en 1936. Alors je vous signale que dans la traduction de l'époque, le traducteur fait une présentation du livre qui vous donne froid dans le dos. Il apparaît beaucoup plus nazifié que ne l'était Carl Schmitt en réalité. Mais ça, c'est un autre problème. Bon, il y a, si vous voulez, Schmitt décrit bien cette tendance de l'ordre libéral à vouloir c'est la politique, à vouloir retirer à la sphère politique des questions politiques et à vouloir les traiter à partir de normes, morales ou de normes techniques. Alors, il n'est pas lui-même complètement opposé à cette idée. Il dit, si ces normes étaient inspirées par le droit naturel, et dans son esprit, le droit naturel est un droit, évidemment, d'origine catholique. En réalité, le cœur de la pensée de Schmitt, c'est une pensée extrêmement dure, qui d'ailleurs en fait quelqu'un qui est assez mal à l'aise en Allemagne. Toute l'histoire des relations de l'Allemagne, bismarckienne avec le catholicisme, évidemment, il est dans l'héritier aussi. Bon. Bref, il est prêt à accepter ça. Mais si ces normes ne sont pas rattachées à la religion catholique. Je cherche une formation sur la laïcité. C'est pas ici. Mais non, mais c'est un souci, quoi. Je vais retourner. C'est absolument pas ici. Désolé. Voilà, il est évidemment très contre ça. De sciences politiques anglais, qui a écrit plusieurs articles dans le British Journal of Political Science, revient d'ailleurs sur cette idée, et il montre comment deux adversaires politiques peuvent se rejoindre, en particulier Hayek et Karl Schmitt. Il montre que dans les analyses, alors que évidemment, on est en présence de gens qui sont complètement orthogonaux, hein, Hayek, il faut toujours le rappeler, a eu une attitude extrêmement courageuse face au nazisme. Et il a préféré s'exiler. Et vous savez d'ailleurs qu'il refusait qu'on l'appelle von Hayek. Bon, il l'appelait von Hayek, mais lui, il refusait quand il était en présence de quelqu'un de l'appeler von Hayek en disant que les von s'étaient déshonorés dans leur soutien à Hitler. Mais pourtant, ils se rejoignent dans cette idée, ou disons dans ce constat, du dépolitisation. Alors, on voit bien ici que, en réalité, le 1 et le 3, c'est-à-dire l'idée de faire une monnaie européenne pour essayer de contrôler l'Allemagne, et cette idée d'avoir une politique faite par des normes, c'est en réalité contradictoire. Quand, après le sommet de Dublin, François Mitterrand rentre en France, voilà le traité que l'on va soumettre à un référendum, qui deviendra le traité de Maastricht, il a cette phrase en Conseil des ministres qui nous est rapportée par Roland Dumas, on est en 1990, nous avons cloué la main de l'Allemagne sur la table. Il fait référence à l'euro. Il fait référence à l'euro. Et c'est pour lui quelque chose d'essentiel. Parce que quelle est la grande peur, je répète, c'est que à travers la réunification, l'Allemagne rompe les amarres avec la communauté économique européenne, puis l'Union européenne, et qu'elle se tourne vers la Russie. La grande crainte de l'époque, un nouveau rapallo. Il faut toujours se rappeler, on est en présence de gens qui ont vécu les années 20 et les années 30. Alors évidemment pour nous, en plus maintenant avec un président qui a à peine 40 ans, ça peut sembler bizarre. Mais c'est ça l'état d'esprit de l'époque. Alors évidemment, cette idée géopolitique est complètement contradictoire à l'idée allemande. Mais l'idée de discipline, la deuxième idée, la deuxième source de l'euro en France, elle est parfaitement compatible avec l'idée allemande. Et c'est pour ça que progressivement, on va mettre de côté cette idée que il faut absolument contrôler l'Allemagne, d'autant plus que la Russie rentre dans une telle crise à partir de 91-92, que l'idée d'un rapallo perd de sa substance, l'idée d'un nouveau rapallo, d'un rapallo des années 90, perd de sa substance, et donc la France enfourche la deuxième idée, cette idée de discipline, beaucoup plus que l'idée géopolitique. Ce qui amène à voir aussi que l'euro, dès sa construction, est au minimum dans une ambiguïté discursive, si on veut être très gentil, et en réalité se constitue comme un projet non démocratique. Alors, cette ambiguïté discursive, on peut la voir sur quatre points. La future zone euro ne correspond nullement aux critères de Mundell. On a beau les triturer dans tous les sens que l'on veut, ça ne marche pas. Tout le monde le sait. Et dès 1995-1996, il y a un basculement dans le raisonnement. On ne dit plus l'euro un, parce que nous constituons avec partenaires une zone monétaire optimale. On ne peut pas démontrer qu'on est dans une zone monétaire optimale. Mais c'est l'euro va constituer les pays de l'Union européenne en zone monétaire optimale. Autrement dit, on investit l'euro d'une charge de transformation, alors que l'euro, au départ, si on est fidèle à la théorie économique, doit être l'aboutissement d'un processus. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'euro se présente comme un antidollar. Oui, présenté comme un antidollar. C'est en particulier l'argument que va développer François Mitterrand dans la campagne pour le vote du référendum de 1991. Il explique, aujourd'hui, on est dans une situation où nous sommes dans la main des États-Unis parce que le dollar est la seule monnaie internationale. Il faut, avec l'euro, constituer un véritable concurrent au dollar. Et c'est l'idée, l'Europe et les États-Unis sont des concurrents, ce ne sont pas seulement des alliés, ce sont des concurrents. Évidemment, cette idée n'a aucune chance d'aboutir auprès des Allemands. Les Allemands ne perçoivent pas l'Union européenne comme un concurrent stratégique des États-Unis. Ils peuvent être un concurrent, enfin, les firmes allemandes peuvent être des concurrents, firmes américaines, pas de problème. Mais un concurrent stratégique, ils n'en ont nullement question. Même chose pour les Hollandais, même chose pour les Italiens. Donc, mais c'est vraiment une idée qui est défendue, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, très vite, la part de l'euro dans les réserves internationales va être inférieure à la part des monnaies qui le constituent. Et que si vous faites la somme en 1995 ou 1997 du Deutsche Mark, du franc, de la lire, du florin, bon, etc. Prenez uniquement les monnaies de la base de départ, donc, vous verrez qu'elles ont une part supérieure dans les réserves des banques centrales que ce qu'aura l'euro par la suite. Et en fait, on voit très bien que l'euro n'a jamais réussi à concurrencer le dollar. Là, je m'avance un petit peu dans le temps, mais si la part du dollar baisse, la part de l'euro baisse aussi. Et les grands vainqueurs sont ce qu'on appelle les nouvelles monnaies, ou aussi les petites monnaies, évidemment le yuan, hein, ça on le voit monter, c'est très clair, mais vous avez aussi des monnaies comme le dollar canadien, le dollar singapourien, le dollar australien, et grosso modo ces monnaies font 12 à 14% des réserves internationales aujourd'hui. Troisième ambiguïté discursive, l'euro va imposer. Alors là, on sort de la logique économique, on rentre dans la logique politique. Donc l'euro va imposer une Europe fédérale, et c'est une idée qui est très forte, en particulier en France. Évidemment, elle n'est pas en Allemagne. Les Allemands n'ont jamais pensé à une Europe fédérale. Jamais. Elle est très importante en France parce que, en réalité, les dirigeants français vivent l'Union européenne comme une super France. Il faudra un jour faire un bilan, ça, je le signale, mais il faudra faire un jour un bilan des ambitions déçues de la France vis-à-vis de l'Union européenne. La France a pensé l'Union européenne comme son extension naturelle. Ce qui était une folie à la fois géostratégique, une arrogance absolument insupportable. Par ailleurs, une des raisons pour laquelle notre pays a aujourd'hui, au niveau international, une si mauvaise image dans pratiquement tous ses voisins européens. Là encore, pour avoir pas mal fréquenté la diplomatie française, le comportement des diplomates français, vous savez, ça correspond à ce fameux aphorisme de Pierre Desproges, il ne suffit pas d'être arrogant, encore faut-il être incompétent. Et très souvent, malheureusement, on combine les deux. Bien. Dans ce discours, l'euro va nous obliger à faire une Europe fédérale, il y a des gens très bien qui y croient. Par exemple, Jean Pisani-Ferry. Jean Pisani-Ferry, qui va passer une nuit à m'expliquer, lors d'un colloque où on est ensemble à Budapest, que la mise en place de l'euro, ça va entraîner un budget fédéral, une Europe sociale, une Europe fiscale. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que je fais la remarque il y a quelques années. C'est qu'il dit, mais enfin, Jacques, tu es un économiste, et tu sais bien que on ne peut pas vivre dans une monnaie unique si on n'a pas une unité budgétaire, une unité sociale, une unité fiscale. C'est très drôle d'ailleurs quand vous remettez ce genre de déclaration dans le contexte actuel. L'Union européenne va décroître dans les prochaines années. Je parle. Quatrième point, l'euro, c'est la croissance. Alors là, on n'est plus dans l'ambiguïté discursive, on est dans le mensonge total. Je rappelle que dans les textes qui ont été faits d'ailleurs par des économistes, Andrew Rose en particulier, on annonce que l'effet positif de l'euro sera d'accroître entre 100 et 300% le commerce interne à l'Union européenne. C'est d'ailleurs sur la base des calculs qui sont avancés là que Jacques Delors dit que l'euro, par sa seule existence, va accroître d'1% la croissance des pays de la zone euro. Et en réalité, tous ces textes étaient faux. Enfin, ils étaient, d'abord, le modèle ne tenait pas la route, la base de données ne tenait pas la route, bref, il y a eu toute une série de débats. Et en 2003, Andrew Rose reconnaît que le gain de commerce intra-zone sera au mieux de 10%. Donc, il diminue dans un rapport de 30 à 1, l'effet de l'euro. Mais voilà, c'est ça un peu la condition. Donc on voit comment l'euro s'est construit, et on peut voir donc que l'euro, l'idée d'une monnaie européenne avait été envisagée dans les années 70 et le début des années 80, justement à cause des perturbations causées par le régime de change flottant qui s'était imposé après 1973, que les dirigeants politiques de l'époque avaient tiré le constat juste que ce n'était pas possible. Bon. Cette idée repart et remise en selle en réalité par la chute du mur de Berlin. Et là, elle est remise en selle pour deux raisons. Une raison géopolitique, mais qui apparaît avec le recul comme une raison très conjoncturelle. Alors, je ne nie pas le fait qu'il y a eu une véritable inquiétude, en particulier en France. Mais cette inquiétude n'a pas duré plus de 3 ans. Mais surtout, cette idée très affirmée, il faut discipliner les acteurs sociaux et les acteurs politiques. Et donc, d'une certaine manière, l'euro, enfin, le futur euro, dès la fin des années 80 et le début des années 90, affirme sa nature de norme non démocratique, qui vise à imposer une certaine forme de gouvernement. Alors, pour faire passer cette idée, on a eu recours à plusieurs types de discours, hein, vous voyez, le discours sur l'Europe fédérale, le discours sur les États-Unis, enfin sur la compétition avec les États-Unis, j'en passe, la croissance, et à chaque fois, ces discours s'avèrent au mieux des imprécisions majeures, par exemple sur la question des zones monétaires optimales, au pire des mensonges absolument évidents, comme sur la question de la croissance. Alors maintenant, essayons de regarder rapidement comment cette norme se développe comme une forme non démocratique, voire antidémocratique. Alors tout d'abord, il faut dire qu'on est rentré avec la mise en place de l'euro dans une gouvernance qui se veut antipolitique, mais qui est en réalité très politique. Elle se veut évidemment antipolitique parce que c'est la construction d'une rationalité économique contre des choix politiques. Et on en a encore un exemple avec le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il l'augmentation du SMIC? C'est pour une raison, et qui n'est pas fausse, hein, que dans le cadre de la monnaie unique, on ne peut pas augmenter le salaire minimum. Ou alors, il faudrait qu'on ait des gains de productivité tout à fait énormes. Autrement dit, il ne peut y avoir d'augmentation du salaire minimum qu'en rapport avec les gains relatifs de productivité. Il ne s'agit même pas du gain absolu, il s'agit du gain relatif. Bon. Mais en réalité, on voit que c'est un argument qui vise toujours à exclure toute une série de solutions. La deuxième chose, c'est que l'euro sert en réalité de ligne de partage entre les bons et les mauvais politiciens. Le bon politicien pour les institutions européennes, c'est celui qui accepte d'emblée de se couler dans le cadre de l'euro et qui en accepte toutes les conséquences, y compris les plus déplaisantes. Le mauvais politicien, c'est évidemment celui qui, rue dans les brancards, je signale que Silvio Berlusconi a été débarqué pour cette raison. J'ai absolument aucune sympathie pour Silvio Berlusconi, mais en réalité, quand il a été chassé en 2012, et il a été chassé par un mécanisme, enfin, un coup interne, hein, si vous voulez, c'était pas du tout par des élections, il n'a pas du tout perdu les élections, sa majorité s'est défaite, et puis c'est refait d'une autre manière, bon, c'était essentiellement sur la question de l'euro. Parce que Berlusconi voulait sortir de l'euro. Bon, il ne le disait pas très ouvertement. Bon, il le disait quand même en disant « on va faire un système à deux monnaies ». Tout le monde sait que des systèmes à deux monnaies, ça tient deux ans, au mieux. Très bon outil à un système, à nouveau un système monétaire unique, mais qui n'est plus le système monétaire. Même chose sur la Grèce. Et on voit à chaque fois donc que cette question de l'euro sert à faire le tri entre les bons et les méchants, entre les gens qui n'ont pas le droit d'accéder au pouvoir, même s'ils sont majoritaires, et les gens qui sont d'une certaine manière considérés comme aptes à exercer le pouvoir. Alors ça, c'est réellement là l'application d'une forme de norme, et d'une norme qui est évidemment antidémocratique à l'extrême. Dernier point, pour la constitution de cette norme, il est bon évidemment de faire une espèce de mise en surplomb de la monnaie par rapport au cadre politique. Et on fait toujours référence à l'exemple de l'Allemagne. Hein? Donc, regardez en Allemagne, ils ont une banque centrale, la Bundesbank, qui a été complètement indépendante du pouvoir politique. En parlant beaucoup avec des économistes allemands, et en particulier avec un... alors, je vous dis tout de suite, je ne lis pas l'allemand. Hein, je ne suis pas du tout germanophone. Georg Bibeau. Bibeau a fait un remarquable travail sur l'origine de la Bundesbank. Et la Bundesbank est constituée, d'ailleurs, sur la base des banques des Länder, de la première Landesbank. Vous savez que, bon, il faut faire une réforme monétaire en Allemagne pour stabiliser la situation économique de la zone d'occupation américano-britannico-française, parce qu'à l'époque, il y a une telle crise économique que c'est la zone soviétique qui a un pouvoir d'attraction. Il y a un mouvement d'émigration de la zone occidentale vers la zone orientale en 46-47. Donc, il faut faire une réforme monétaire. Cette réforme monétaire, elle va être faite d'abord par les Landesbank, puis par la Bundesbank, qui est constituée à partir des Landesbank. Et cette banque fédérale est constituée avant la République fédérale. D'ailleurs, c'est elle qui provoque la crise de Berlin. Si vous voulez, c'est quand les trois alliés occidentaux disent « on fait cette réforme monétaire en Allemagne » que les soviétiques disent « attendez, si vous faites cette réforme monétaire, ça veut dire que vous coupez l'Allemagne en deux. » À l'époque, les soviétiques ne sont pas pour couper l'Allemagne en deux. La position soviétique, c'est la neutralisation de l'Allemagne, mais d'une Allemagne unifiée. Et c'est en rétorsion qu'ils vont déclencher le blocus de Berlin. Alors, tout ça, c'est des choses qu'on a tendance un petit peu à oublier. Cette Bundesbank, elle fonctionne sans pouvoir politique, puisqu'il y a, la RFA n'est pas constituée. En réalité, le pouvoir politique doit s'exprimer à travers la présence de trois officiers supérieurs, grade de général, à son comité directeur. Grosso modo, il y a un général américain, un général britannique et un colonel français. Bien. Sauf que ces généraux ne vont jamais être présents. Parce que, justement, il y a le blocus de Berlin et que les militaires ont des choses peut-être plus importantes à régler et à planifier que de s'occuper de questions monétaires auxquelles, par ailleurs, ils ne comprennent rien. C'est ça, c'est un autre problème. Et donc, la Bundesbank prend l'habitude de fonctionner sans aucun référent politique. Il y a un homme politique en Allemagne qui va s'en inquiéter. En 1956, c'est Konrad Adenauer. Et c'est très intéressant. La contestation de cette indépendance de fait de la Bundesbank, elle vient de la démocratie chrétienne. Elle ne vient pas du SPD. Et Konrad Adenauer veut faire voter une loi remettant la Bundesbank sous le contrôle de la chancellerie. Et il est attaqué par le SPD, qui l'accuse de vouloir instrumentaliser politiquement la monnaie au détriment des travailleurs. Et comme on est à quelques mois d'une élection générale, Konrad Adenauer va retirer sa loi sous la pression du SPD. Donc, vous voyez, c'est... on dit toujours, oui, l'indépendance de la Bundesbank, c'est la matérialisation des idées qui sont dans l'ordolibéralisme allemand. Pas du tout ça. Ou plus exactement, l'ordolibéralisme, enfin, les idées ordolibérales vont se retrouver, évidemment, avec l'indépendance de la Bundesbank. Mais factuellement, ce ne sont pas quelques dirigeants imbus d'idées ordolibérales qui ont décidé ça. On est beaucoup plus sur une logique d'événements qui sont chaque fois très particuliers et qui vont aboutir à la constitution de cette institution. Et avec, comme cerise sur le gâteau, le fait que ce sont les sociodémocrates, le SPD, qui va défendre cette indépendance au moment où elle est la plus attaquée. Et donc on voit bien là comment s'est construite cette idée de surplomb monétaire. Alors, cette idée de surplomb monétaire va être évidemment très renforcée par la construction d'une rationalité économique qui est absolument opposée à toute décision politique. C'est comme ça que se constitue une gouvernance antipolitique. Mais cette gouvernance antipolitique est en réalité très politique elle-même. Et ça se voit par les effets de l'euro au profit d'une politique austéritaire. Alors cette politique austéritaire est devenue depuis 15 ans, voire 20 ans, l'une des figures dominantes du discours économique. Le discours économique ne se construit aujourd'hui au niveau gouvernemental. Hein. Je ne parle pas de la théorie économique, je ne parle pas des travaux des économistes, y compris, on a même des économistes dits standards ou néo-orthodoxes qui peuvent faire des travaux très intéressants. Hein. C'est le cas par exemple des travaux de Blanchard sur le multiplicateur fiscal. Blanchard qui a reconnu que le multiplicateur fiscal était beaucoup plus élevé en Europe que ce que prévoyaient au départ les modèles du Fonds monétaire international. Pas de problème. C'est le discours qui est tenu par les gouvernants. Et là, évidemment, la figure de l'austérité est une figure absolument centrale. Alors, cette figure de l'austérité, elle prend des formes un petit peu différentes suivant les pays, et surtout elle a des racines un petit peu différentes. C'est un choix qui peut être défendu, à la limite, de manière raisonnable, en ce qui concerne l'Allemagne. Parce que l'Allemagne est confrontée depuis une vingtaine d'années, même un peu plus d'une trentaine d'années, à un phénomène de dépopulation. Je vous renverrai au fameux roman de Henrik Böll, vous savez, Les enfants par la tête, où les Allemands se meurent. Mais c'est une réalité. C'est une réalité et qui évidemment a été aggravée par la réunification, puisqu'on sait que le taux de fécondité est très faible dans les Länder de l'Est. Donc, cette idée de constituer à tout prix des réserves, de faire une politique qui est en réalité une politique mercantiliste, mais pour constituer des réserves sur lesquelles seront payées les retraites, alors qu'on sera face à un ratio extrêmement défavorable, le ratio prévu par les Allemands est de 1 pour 0,8. Le ratio qui est prévu, par exemple, dans le rapport du COR pour 2030, en France, il est de 1 pour 1,7. Donc nous aurons un ratio qui sera à peu près le double de celui des Allemands. On peut concevoir que cela exige une certaine forme d'austérité, mais non pas d'austérité, mais disons une forme d'épargne réalisée au niveau de l'ensemble du pays. Maintenant, il est clair que ça a été poussé beaucoup trop loin, et je n'en veux pour preuve que l'état tout à fait désastreux des infrastructures publiques en Allemagne, parle régulièrement et qui n'arrête pas de me faire des récits absolument horribles. Et puis, on a une situation très différente dans les autres pays, en particulier en France. Et on voit bien que l'argument qui est audible, je ne dis pas qu'il soit entièrement recevable, mais je dis qu'il est audible, du problème de la démographie en Allemagne, ne s'applique évidemment pas en France. Où nous allons rester avec une démographie expansive pour les 15 années ou les 20 années qui viennent. Donc c'est beaucoup plus un argument idéologique chez nous qu'un argument qui aurait une certaine base de réalité. Le problème, c'est que l'application de ces politiques d'austérité engendre maintenant dans les différents pays européens des réactions de plus en plus violentes de la part des acteurs sociaux. Et que face à ces réactions de plus en plus violentes, l'ensemble des pays est confronté au risque de voir arriver au pouvoir un gouvernement qui mette en place justement des mesures qui soient des mesures qui ne sont pas compatibles avec cette politique austéritaire. Et pour cela, évidemment, l'euro joue un rôle de norme et de norme contraignante extrêmement important. Donc le troisième point, c'est l'abandon des principes de la démocratie. Alors, on le voit très bien dans trois domaines. Tout d'abord, la réduction du processus électoral à un processus de confirmation et non pas un processus de choix. De plus en plus, dans ces élections, on cherche à confirmer des politiques et non pas à choisir des politiques. Donc là, il y a à l'évidence une sortie de la logique démocratique. Hein, cette logique démocratique qui est tellement bien décrite dans l'adresse à Gettysburg de Lincoln, hein, je vous rappelle, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est d'ailleurs, j'en profite pour faire un aparté, hein, il faudrait qu'on lise beaucoup plus en Europe et en France cette fameuse adresse de Gettysburg. Que moi j'ai découvert, j'en avais entendu parler, mais que j'ai découvert aux États-Unis en me rendant la première fois à Washington en 85 et en allant la lire dans le monument à Washington, et vous vous rendez compte que Lincoln était en réalité un pré-socialiste. En tous les cas, pour sa conception justement du pouvoir politique. Deuxième point, le transfert des décisions centrales hors des institutions européennes. C'est le cas de l'Eurogroupe. L'Eurogroupe qui est aujourd'hui le principal centre de décision au niveau de l'euro n'a aucune existence légale. C'est une pure institution de fait. Je ne dis pas que ce soit une institution, mais c'est une institution de fait. Ce n'est pas une institution prévue dans les cadres légaux de l'Union européenne. Or, aujourd'hui, on voit bien que la Commission applique les décisions de l'Eurogroupe. Donc, on a un double transfert. On a d'abord un transfert, évidemment, des décisions des États vers les institutions européennes légales, puis le transfert de ces décisions, des institutions légales vers une institution non légale, je ne dis pas illégale, mais je dis non légale, qui est l'Eurogroupe. Autre processus antidémocratique. Et le dernier point, évidemment, c'est que tout cela aboutit à une attaque frontale sur le principe de la souveraineté. Cette attaque se fait d'ailleurs à travers les deux voies classiques qui existent depuis maintenant pratiquement 250 ans. La mythification de l'état de droit. Je dis bien la mythification. Je suis évidemment très attaché personnellement à l'état de droit. Mais, et là, vous reconnaîtrez mes origines de formation en matière juridique, la légalité est toujours soumise au principe de légitimité. Autrement dit, on peut avoir des pouvoirs tyranniques, je dis bien tyranniques, pas dictatoriaux, au sens où la dictature est admissible en droit constitutionnel, la tyrannie ne l'est pas. Alors ça remonte très loin, Saint-Augustin, de la vindicte contre les tyrans, des vindicia tyrannos, bon, etc. Bon. On peut avoir des pouvoirs tyranniques qui sont légaux. Le meilleur exemple, l'Afrique du Sud, sous l'apartheid. L'ensemble des cadres de l'apartheid étaient légaux. C'est évidemment illégitime, mais ils étaient légaux. Et donc, quelqu'un qui défend strictement l'état de droit est obligé de reconnaître que que les gens qui se rebellaient contre ces règles se mettaient hors du droit. Et l'autre manière d'attaquer l'idée de souveraineté, c'est d'attaquer l'idée de souveraineté elle-même en s'attaquant à son origine, c'est-à-dire à toute la, la filiation historique qui va de Rome jusqu'à Bodin et qui va de Bodin jusqu'à la situation actuelle. Alors, évidemment, on a dans cette notion de souveraineté, je dirais, des scories contextuelles. Alors c'est très intéressant, le fait que Bodin ait été un catholique fervent et en même temps qu'il ait été probablement l'un des premiers philosémites au sein de l'Église catholique. Car sa vision de la souveraineté découlant de Dieu, enfin, il y a deux sources de souveraineté pour Bodin. Il y a la nécessité de trouver une juste solution au conflit entre les hommes et le rapport à Dieu. Mais le rapport à Dieu, c'est quelque chose qu'il tire directement de la religion juive. Alors, je vous rappelle, bon, si vous lisez dans la Bible le livre des rois, vous verrez que, c'est très étrange, hein, la légitimité est accordée au roi par Dieu à la suite d'un contrat passé entre les deux. Alors, en métaphysique, c'est quelque chose d'assez étonnant. Comment un être immanent et omniscient peut-il passer un contrat avec un être fini et mortel? C'est ça. L'idée de ce qui donne la souveraineté de droit divin. Sauf que dans le droit constitutionnel occidental, il y a toujours eu une autre forme de souveraineté qui a existé, qui elle vient des principes grecs et romains, et qui dit que c'est le peuple qui a la souveraineté. Alors, vous rappelez le fameux adage latin, vox populi, vox dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et en fait, on trouve, quand on étudie un petit peu le droit romain, on trouve des formules qui sont très éclairantes. Alors, faites attention, c'est pas la formule espécuaire, hein, qui est une formule qui a été inventée par Auguste, sous l'Empire donc, pour essayer de présenter la forme impériale comme un retour de la souveraineté vers le peuple. En réalité, ce sont des formules qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ, au moins, peut-être même d'avant, et qui disent « populus plebsque », le peuple et la plèbe. Alors c'est important parce que dans les institutions de la République romaine, le peuple et la plèbe ont le droit de changer l'ordre du jour des assemblées. Par exemple, une assemblée, les comices tributes, se réunit pour élire un questeur, et quelqu'un propose que cette personne ne soit pas élue questeur, mais soit élue tribun, et cette capacité des comices tributes de changer l'ordre du jour, de décider tout d'un coup d'élire quelqu'un comme consul, alors qu'il n'avait été pressenti qu'une élection comme questeur, c'est bien la preuve que le peuple est souverain. Et souverain, évidemment, qui peut changer les règles. Ou comme dirait Karl Schmitt, qui décide non pas dans l'état d'urgence, mais de l'état d'urgence. Et donc, on voit bien qu'il y a c'est tout l'origine de la souveraineté. Alors, évidemment, ce qui est mis en cause dans les textes récents, et là, évidemment, ce que les adversaires du principe de souveraineté vont attaquer, ils vont attaquer essentiellement cette idée de souveraineté de droit divin. Et ils vont dire, ce qui disqualifie Bodin, c'est son attachement à la souveraineté de droit divin. Mais il ne voit pas qu'en réalité, et même dans l'œuvre de Jean Bodin, il y a deux origines à la souveraineté. Et là encore, si on fait le tri entre les idées religieuses, et je rappelle, Bodin, il se destinait dans sa jeunesse à la prêtrise. Il a passé les ordres mineurs avant de demander d'être réduit à l'état laïque. Si on fait le tri entre les idées religieuses et les idées réellement de droit constitutionnel, on voit que ce qui est déterminant, c'est bien cette notion de pouvoir du peuple. Populus Populi Vox Quae, qu'il a hérité en fait des auteurs romains via saint Augustin. Et c'est ça qui est en réalité, et ce n'est jamais dit, attaqué par des auteurs comme par exemple Aloïs Gercab, qui d'ailleurs a reçu un prix de l'Union européenne, très significatif que l'un des auteurs qui attaque le plus la notion de souveraineté soit directement financé par l'Union européenne. On est là sur un espèce de révélateur qui est extrêmement intéressant. Et donc on voit bien que cette notion de norme vient percuter de plein fouet la notion de souveraineté. Voilà. Merci beaucoup, Jacques Sapir, on peut l'applaudir. Hein.